Altérité. Identité et altérité sont les deux aspects d'une même perception, les deux faces d'une même réalité. Ce que je suis est-il limité par autre chose que par ce que je ne suis pas? Plus généralement, ce qui est, en bloc, peut-il être borné par autre chose que par ce qui n'est pas? L'identité, c'est l'être dans la durée. Une illusoire permanence, en obstacle au flux du devenir, Tao. Paradoxalement, mais tout à ce niveau n'est-il pas paradoxe? L'identité est la source première de l'altérité, puisque, se créant en opposition au changement, elle est le quintessentiel, autre, pour le Tao en éternel devenir. Qui est lui-même le tout aussi essentiel, autre, pour l'être qui se voudrait permanent. Cette coexistence de l'être et du devenir, deux pulsions parfaitement antinomiques, est la manifestation première de l'altérité, la confrontation dont naît la conscience. La conscience résout cette antinomie, car mettant le temps dans l'équation, on peut, sans remettre en cause la mutuelle exclusion de l'être et du néant, qui est dite justement, principe d'identité, créer un espace de rationalité soumis aux exigences de la causalité produisant des effets, permettant que le devenir qui est un fantôme sans substance soit accepté par la conscience comme source de réalité. À cette relation, être-devenir, toutes les grandes religions et autres quêtes philosophiques d'un sens à l'existence, s'empressent de trouver une explication ou au moins d'accoler un mythe explicatif. Ainsi, dans la pensée chrétienne occidentale, le « Fils », symbole de l'identité, est né du « Père », Tao, chaos initial, tout, univers des possibles, etc. Et la conscience, dite « Esprit », procède du rapport entre les deux. Un concept que rejettent les églises chrétiennes orthodoxes. Mon propos ici n'est pas de dire qui a tort ou raison, mais de souligner le rôle central de ce concept qui a été à l'origine du grand schisme de la chrétienté. Toutes les religions dans leurs composantes ésotériques, celles qui cherchent à comprendre, et non seulement à manipuler, de bonne ou de mauvaise foi, les croyants, vers une moralité consensuelle ont la prétention d'expliquer cette relation trine cruciale, identité tout conscience. Cette relation est cruciale, en ce qu'elle propose une réponse au mystère du mal. On peut voir le mal comme l'attachement de la conscience à une identité qui veut durer et qui donc refuse de servir, en acceptant toutes les formes que peut prendre le tout en éternelle transformation. Durée est l'impossible chimère de l'identité. Son, non serviam, luciférien est souffrance pour l'identité, et elle n'échappe à cette damnation que par sa crucifixion, c'est-à-dire sa totale soumission à la volonté du Père, synonyme du déroulement sans contrainte du Tao. La passion, souffrance, de l'identité se termine quand tous les possibles découlant d'un rapport spécifique entre le moi et le non-moi qui définissent une identité sont épuisés. C'est la symbolique du « grain qui meurt », la « mort » de l'identité qui n'est qu'un moment évanescent de l'être, suivi de sa « résurrection » en nouvelle identité. Comprendre l'altérité est la clé. Elle peut conduire la conscience à la vision d'un univers à deux joueurs, Kende le non-moi qui est l'autre est ressenti comme « Dieu » ou une variante de la relation, un tout, dont parle Martin Bubé. Mais l'altérité peut aussi apparaître sous la forme d'une multitude d'entités, elles-mêmes, percevantes, non plus des objets, mais des sujets des autres. L'identité qui appréhende des sujets doit apprivoiser une nouvelle relation à l'altérité qui exige une communication avec ses autres, une communication qui peut s'établir sous le signe de l'assimilation des autres impliquant la destruction de leur identité ou sous le signe de la coopération, de la fusion librement consentie, de tout ce qu'on appelle une relation d'amour. À suivre. Vous êtes bien sur Radio Parasite. À bientôt. Et grosse bise numérique. Oh, now, I have a